What you say, but I hate you on most days. You've been testing my faith and my patience, yeah. And you know that I be headstrong, but you know that you be dead wrong, telling me to relax when I'm reacting. But I'd rather fight and lose sleep at night. At least you're mine. And if I have to choose my heart or you, I'm gonna lose, yeah. What if nothing ever will change? Oh, I'm caught between your love and a hard place. Oh, a choice when I'm gonna have to pick my poison. How you hurt me so good, so good. And even when you cause tears, you're the one who wiped them away. Maybe that's the reason I stay. But I'd rather fight and lose sleep at night. At least you're mine. And if I have to choose my heart or you, I'm gonna lose. What if nothing ever will change? Oh, I'm caught between your love and a hard place. Bonsoir, vous venez d'écouter Her Hard Place. Vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission. La chronique abordera le thème du métier d'ingénieur du son. Aussi, j'accueille Julien Desjardins pour nous en parler. Bonsoir et bienvenue Julien. Bonsoir, merci de m'accueillir. Tout va bien Julien, bien installé? Oui, impeccable, merci. Ravi de te recevoir. Ben, merci pour l'invitation. Alors, on va rapidement commencer à à te présenter quand même. Tu es actuellement ingénieur et formateur. Oui, on dit technicien plutôt. Ah, il reviendra, mais... Alors, c'est quoi, quelle est la différence, justement? En fait, c'est juste une question de diplôme. Ingénieur, c'est Bac plus 5 et technicien, en théorie, c'est Bac plus 2. Voilà. Puis je t'expliquerai quand dans le métier, en fait, il n'y a vraiment quasiment plus d'ingénieurs. Et que même technicien, c'est presque un petit peu surfait, parce que c'est un métier qu'on apprend énormément aussi sur le terrain. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément de diplôme pour pouvoir, en tout cas, faire ce métier. Alors, tu vas nous expliquer justement, comme en plus tes formateurs, ça tombe très bien, on va tout savoir. Nous, on n'est pas des techniciens, on ne connaît pas trop le métier. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on devient justement technicien du son ? Alors en fait c'est un sujet très large, hein. Il y a à peu près 14 000 chemins qu'on peut emprunter pour le devenir. Il y a évidemment le premier auquel on pense, c'est d'aller faire une école. Sauf que des écoles, bon, il y a des écoles dites d'ingénieurs du son sur Paris, sur Nantes, le CFPTS, la SAE. Puis plein d'écoles comme ça qui apprennent aussi tout ce qui est mixage en studio. Enfin, ingénieur du son, c'est une palette très très large. Et c'est pas garanti pour autant d'avoir du travail tout de suite derrière ce genre d'école diplômante. Et à côté de ça, il y a aussi des bacs plus 2, type des BTS audiovisuels, qu'on peut faire dans des lycées plus standards, des formations aussi qui peuvent être faites sur un an ou deux dans des structures type donc le CFPTS à Bagnolet, je crois qu'il y en a un, à Nantes, l'ESRA aussi, qui est une école d'ingénieurs que j'ai oublié de citer. Et ça, c'est une deuxième façon de pouvoir rentrer dans le métier. Puis après, il y a aussi donc sur le terrain, parce que c'est quand même un métier de passion, et on n'y rentre souvent pas par hasard. Donc voilà, on peut gravir un petit peu les échelons pour peu qu'on soit débrouillard, qu'on ait un peu aussi la fibre artistique pour certains aspects du métier. Et puis voilà, pas forcément, il n'y a pas une route bien tracée, empruntée pour devenir technicien ou ingénieur du son. Voilà. Alors, s'il y a plusieurs routes, est-ce que tu peux nous parler de la tienne ? Oui, alors du coup, comme je te disais tout à l'heure, en fait, les réponses que je vais t'apporter aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer un petit peu mon parcours. Ce n'est pas forcément des réponses que j'aurais eues il y a 2 ans et ce ne sera pas forcément les mêmes réponses que je donnerai plus tard parce que ça évolue beaucoup avec l'expérience. Et moi, je connais énormément de collègues qui n'ont pas du tout le même parcours. Personne n'a le même parcours, il est assez atypique finalement. Donc du coup, en fait, dans mon cas... je te fais la version courte ou... On peut faire la version longue, on a du La coup. Version longue, bon. En fait, moi, j'ai toujours voulu être ingénieur du son. C'est très drôle, mais voilà, mes parents me disaient quand j'étais petit, je voulais être ingénieur du son. Et puis, j'ai toujours fait beaucoup de musique. J'ai pris énormément de cours de musique pendant plus de 15 ou 20 ans quasiment. Et du coup, je me suis intéressé naturellement à tout ce qui était musical. Et puis, je me suis mis à faire un peu d'animation aussi en disco mobile quand j'étais étudiant pour payer les études, pour avoir un peu d'argent de poche. Et puis, petit à petit, des groupes avec lesquels on joue avec les copains. Et puis, il y en a un qui a personne pour faire le son dans un bar un soir. Donc, on y va avec un tout petit peu de matériel. Et puis, c'est rigolo, ça se passe bien. Donc, ils t'appellent après pour enregistrer un petit quelque chose. Avec 3 bouts de ficelle, 1 bout de carton. Donc voilà, on fait un premier disque, un deuxième, et puis on fait du live, et puis on joue en même temps à côté, et puis en parallèle des études dans l'industrie, qui n'a vraiment rien à voir. Mais avec beaucoup d'informatique, par contre, de réseau, etc. Et c'est là où j'ai pu rentrer à un moment donné dans le milieu du spectacle, c'est que j'avais un solide bagage quand même dans tout ce qui est réseau numérique. Enfin, réseau informatique, et il se trouve que le monde du spectacle audio a pris cette dernière dizaine d'années maximum, quoi, depuis 5-10 ans, le réseau audio numérique a pris une part très importante, et c'est comme ça que j'ai pu rentrer assez rapidement dans le milieu, puis après me former sur le terrain, encore une fois, ou dans des petites formations spécifiques. Avec les droits à la formation qu'on acquiert tous les ans, hein, comme n'importe quel salarié, pouvoir aller chercher des modules de formation sur un domaine spécifique et puis développer ça et puis du coup le mettre en pratique sur le terrain et puis faire une compétence de plus qui intéresse un autre employeur ou un autre groupe pour une tournée, etc. Enfin bref, ouais, c'est petit à petit. En fait, il n'y a pas de moment où on arrive, on se dit c'est bon, je suis technicien ou ingénieur, embauchez-moi. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a un investissement financier de départ ou pas ? Pas spécialement, si ce n'est celui de l'école, en fait. Parce que finalement, quand on regarde tout ce qui est cours de musique, même les concerts, quand on va jouer et qu'on paye son sandwich dans un bar ou un truc comme ça, finalement, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans l'addition du métier. Mais tout à fait. Bon, non, en tout cas, évidemment, si on... le technicien qui a son propre matériel, ouais, il va pouvoir travailler avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Je pense notamment, il pourra travailler peut-être avec des groupes en direct. Et puis voilà, des groupes qui n'ont pas forcément des gros moyens, voilà, qui n'ont pas derrière une société de production qui les suit, qui investit sur eux, etc. Ce qui est le cas de beaucoup de groupes hein, quand on est en local. Donc c'est sûr que c'est un coût en moins, et puis ils peuvent potentiellement nous appeler parce qu'on a du matériel, effectivement. Ça peut arriver. Moi, en tout cas, j'ai pas fait ce choix-là. J'avais de toute façon un petit peu de matériel, mais qui était à titre personnel et qui a quasiment jamais servi, en fait, dans le cadre de mon métier, quoi. Bon, si ce n'est après, évidemment, on a tous un ordinateur, donc évidemment, on s'en sert sur les spectacles. Il y a quand même 2-3 trucs que j'ai fini par acheter parce que c'était plus pratique pour moi d'utiliser mon matériel personnel plutôt que de changer de marque systématiquement quand je changeais d'employeur, quoi. Voilà. Mais il n'y a vraiment aucune obligation, et c'est pas ça qui a fait que je travaille plus une année qu'une autre. Voilà. Et ta famille t'a soutenu sur tes choix, justement, tes orientations Oui. De partir justement sur technicien du son, enfin ingénieur du son à l'époque. Bah, alors en fait, du coup, alors, il faut quand même que je te fasse la version longue du parcours. C'est-à-dire que ah oui, je veux tout savoir. Avant, j'avais un vrai métier parce que je travaillais dans l'industrie. Donc, j'étais dans un bureau d'études qui faisait du développement automatisme et informatique industrielle. Donc, je faisais les programmes de machines automatisées pour l'industrie. Et donc, j'ai déménagé sur Orléans pour ça, en fait, parce que je suis originaire de Montargis initialement. Et voilà, du coup. En ayant emménagé sur Orléans, j'ai fait d'autres rencontres musicales, et puis j'ai travaillé donc 5 ans dans ce bureau d'études. Et puis un jour, voilà, il y a un projet qui s'est pas très bien passé, où on a essayé de mettre des choses un petit peu sur le dos. Bon, j'ai voulu faire autre chose, et puis comme j'ai toujours fait beaucoup de musique, et puis donné un petit peu de cours aussi de musique, je me suis dit que c'était le moment de sauter le pas. Donc j'ai demandé un financement d'une formation auprès d'un organisme, donc c'est une formation à temps plein sur une année scolaire de septembre à juin. Donc ça, c'était en 2012, et le dossier est passé. Donc je suis allé faire un an dans une école à Tours qui s'appelle Tous en scène, où j'ai fait ce qu'ils appellent les cursus circuits professionnels. Donc on faisait 35 heures de musique de septembre à juin. Voilà, c'est super, 35 heures par semaine. Donc avec plein de cours de la théorie, de la pratique instrumentale, de la pratique en atelier, de la gestion administrative pour tout ce qui est contrat, comment on peut être salarié quand on est musicien ou technicien, qu'est-ce que les intermittents du spectacle, comment ça marche, etc. Tout ce bagage et paperasse et artistique, en fait. Et puis sur place, il se trouve qu'il y a un des profs de piano qui s'appelle Julien aussi. C'est très bien entendu tout de suite parce qu'il est aussi débile que moi. Et lui faisait énormément de sons déjà pour des prestataires sur Tours. Il travaillait pour des groupes, il travaillait pour des boîtes, des sociétés prestataires, pour des boîtes de production. Il faisait de l'accueil sur les spectacles. Donc l'accueil, c'est-à-dire que quand un spectacle arrive et qu'il n'a pas forcément tout le matériel, il fait appel à un prestataire sur place. Et le prestataire fournit le matériel et les techniciens pour aider le groupe qui arrive à pouvoir faire son spectacle dans de bonnes conditions, donc que ce soit son ou lumière, voilà. Le spectacle vient avec ses techniciens, mais on a aussi des techniciens en local qui connaissent les lieux, qui connaissent la salle, qui connaissent le système son, qui connaissent les consoles qui sont sur place pour les aider. Et bah, il m'a fait bosser un peu, il m'a pris avec lui au départ bénévolement sur un concert ou deux. Ça s'est bien passé, donc il m'a formé un petit peu sur le terrain parce qu'il aimait bien bosser avec moi. Et puis bah, petit à petit, le prestataire a fini par m'appeler en direct, sans passer par le côté un peu copinage que j'avais avec mon copain à ce moment-là. Et puis voilà, quoi, ça s'est fait petit à petit. Puis une fois que tu bosses pour un, bah tiens, t'es dispo pour tel autre endroit, pour un autre prestataire, bah oui, et puis tu rencontres des gens, bah tiens, t'es dispo tel jour, et puis voilà, en fait, ça se fait naturellement comme ça, finalement. Donc, j'étais vraiment pas du tout prévu, même si depuis tout petit, je voulais faire ce métier-là. Voilà, finalement, c'était pas... Il a fallu 2 métiers en cours de route pour ouais, devenir... Une transition. Ouais, c'est ça, voilà. Mais bon, après, là, c'était vraiment l'occasion qui a fait qui fait le larron, comme on dit, quoi. J'ai toujours de toute façon fait beaucoup d'enregistrements, voilà, des petits disques avec des petits moyens pour des groupes qui n'avaient pas beaucoup de budget. Et puis bah, maintenant on fait ça de manière beaucoup plus professionnelle avec des moyens plus sympas et tout. Donc c'est vraiment sympa d'avoir un peu ce parcours là puisque je suis pas parti de zéro en allant à l'école, en fait. Voilà, alors, je suis arrivé beaucoup plus tard du coup sur le marché des techniciens son parce que j'avais 29-30 ans, quelque chose comme ça, ce qui se fait pas d'habitude. Si tu passes par l'école, tu rentres dans une école comme ça après le bac, ça dure entre 2 et 5 ans, donc voilà, entre 20 et 23 ans, tu peux prétendre aller travailler, voire même avant, il y a des stages, etc. Moi, c'était pas du tout le cas. J'ai même d'ailleurs, à l'issue de cette année 2012-2013 à Tous en scène, j'ai donné pendant 2 ou 3 ans des cours de musique dans des écoles associatives ou municipales dans la région d'Orléans. Et puis, bah voilà, on m'a appelé de plus en plus pour aller faire du spectacle. Et puis, bah, au bout d'un moment, il faut faire un choix, quoi. Les deux n'étaient plus conciliables. Donc moi, du coup, j'ai préféré aller faire du spectacle. Voilà, parce que je ne connaissais pas du tout. Puis c'est vrai que c'était sympa. Et puis, il y a le côté... voilà, on est sans arrêt. Moi, j'ai choisi en tout cas de faire du spectacle, parce qu'ingénieur du son ou technicien son, il y a beaucoup de branches possibles. Mais moi, j'ai vraiment choisi le spectacle, quoi. Voilà. Tu vas nous expliquer justement après une petite pause. Hein, on va boire un petit peu un verre d'eau. D'accord. Oui. Et puis tu vas nous expliquer où est-ce qu'on peut trouver en fait les techniciens du son. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut les trouver aujourd'hui sur quel type de spectacle? D'accord. Donc, très bien. À tout de suite. Et puis on va s'écouter Youngblood. Allez, Cotton Candy, ça vient de sortir il y a quelques jours. Sur l'émission Technicien du son, et nous recevons aujourd'hui Julien Desjardins, qui est donc technicien. Donc, rebonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Rebonsoir. Donc, on était en train de parler de ton histoire et de ton parcours. Et on en reparlera à la fin de l'émission, mais tu m'as dit tout à l'heure en off que tu allais aussi animer une masterclass. Donc, oui. Si tu peux nous en parler deux petites secondes, puis on en reparlera après à la fin de l'émission pour oui. rappeler les dates pour ceux que ça intéresse, qui veulent peut-être participer. Je pense que c'est intéressant. Je t'écoute. C'est des masterclass dans le cadre des formations de l'école Tous en scène à Tours. Et voilà, tous les jeudis après-midi, il y a un masterclass sur l'artistique, la paperasse, tout ce qui est aussi autour du spectacle en fait. Hein. Et moi, du coup, j'interviens chez eux sur tout ce qui est base de la sonorisation pour que les élèves puissent correctement régler leur micro quand ils sont dans des conditions de spectacle dans un bar ou des grosses conditions professionnelles, entre guillemets, mais quand ils s'auto-sonorisent, voilà. D'accord. Ça se passe comment ? Ils appellent Tous en scène et ils réservent ou il y a une sélection ? De mémoire, je crois que ces après-midi, les jeudis, c'est de 14h à 17h. Quand j'y étais il y a 8 ans, ça remontait, c'était ouvert au public, en fait, c'est réservé aux élèves de l'école, mais le public peut y rentrer, voilà, aussi. Donc, en fait, il faut être élève ? Pas forcément, non. Ah non, c'est ouvert, c'est réservé aux élèves de l'école en priorité, mais voilà, il y a une possibilité pour les personnes extérieures d'accord, de venir assister. On peut tenter quand même de l'extérieur Il me semble, voilà, en fait. Faut aller voir sur leur site. Tous en scène, donc c'est à Tours, hein, on rappelle, hein, donc est une école très reconnue et réputée sur Tours, hein, Tous en scène. Tours et ailleurs aussi. oui, tout à fait, il y en a d'autres, hein, tout à fait, mais là on parle de Tous en scène aujourd'hui. Sinon, donc finalement il n'y a pas de certification pour ce métier, donc hein, on est bien d'accord. Bah, alors il y en a, hein, c'est comme BTS, n'importe quel métier, il existe voilà, des BTS, des écoles, des diplômes d'ingénieurs aussi. Je ne sais pas si ça existe toujours ce genre de diplôme d'ingénieur, parce que je ne suis pas le meilleur... pas le mieux placé pour en parler des écoles, parce que je n'en ai pas fait, du coup. Mais en tout cas, ça a existé, le diplôme d'ingénieur. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore ? Je pense que oui. Mais je ne suis pas persuadé. C'est des parcours assez atypiques, finalement. D'accord, très bien. Ok, ça me va. La réponse me va. Alors, c'est peut-être pas une vérité, tu vois. C'est peut-être, finalement, c'est peut-être que mon ressenti. Et c'est peut-être je suis peut-être une des rares exceptions à faire ce métier sans diplôme. C'est possible, j'en sais rien. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Alors que je ne vis que de ça, ça fait 7 ans. D'accord. 6-7 ans, ouais. C'est déjà pas mal. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver donc les techniciens du son ? Sur quel type de scène et où on peut en trouver des techniciens du son réellement ? Alors, on peut en trouver un peu partout. C'est pour ça qu'on ne se croise pas tous forcément. On ne se connaît pas tous d'ailleurs. Sur Orléans, on est nombreux et on ne s'est pas forcément tous vus. C'est évidemment dans les spectacles. Donc on pense tout de suite spectacle des salles de type Zénith, etc. avec des concerts qu'on va voir. Et déjà, dans ce genre de spectacle-là, on a deux types de techniciens son. Il y a celui qui se trimballe avec la tournée, qui est donc attitré à la tournée, qui connaît le show par cœur, qui est garant du son. Qui fait partie de l'équipe. Qui fait partie de l'équipe, voilà. Il y a celui qui va s'occuper du son pour le public. Il y a celui qu'on voit pas souvent dans les coulisses qui s'occupe du son pour les musiciens sur scène. Et puis, y a aussi celui donc, qui est mandaté par la salle en local. Souvent, c'est par la production qui accueille d'ailleurs le spectacle. Qui, si besoin, c'est pas systématique, mais si besoin, peut être là pour monter du matériel aussi, participer à tout ce qui est calibration, calage du système son, c'est-à-dire faire en sorte que le son général du concert soit pas si moche, pas toujours évident. Mais voilà, on peut, en fait, on voit souvent des artistes qui se trimballent sans leurs instruments, ça arrive, ils demandent à ce que ça soit fourni sur place, comme ça ils peuvent prendre le train et ça coûte moins cher. Bah, avec le son, c'est pareil, en fait, on peut très bien demander du matériel sur place pour que ça coûte moins cher, pour éviter d'être avec plein de camions sur la route et de prendre à chaque fois le matériel dans les villes où le spectacle a lieu. Donc dans ce cas-là, il y a un technicien son pour être garant du matériel son qui est loué sur place, un technicien lumière qui est là pour être garant du matériel lumière loué sur place et le mettre à disposition aux techniciens et au personnel de la tournée qui arrivent dans la ville. Voilà. Donc ça, c'est les deux, on va dire, que moi je fais le plus. Ensuite, on en trouve dans... Donc il y a aussi beaucoup dans les cafés-concerts, voilà, ou dans les petits clubs où il y a un petit peu d'installation. Souvent, c'est le même technicien qui est là à l'année, ce qui est le cas aussi dans certaines salles du type théâtre, comme je pense au Théâtre d'Orléans, la scène nationale. Ce sont des techniciens qui sont là quasiment à l'année, qui font beaucoup d'accueil ou de son sur le spectacle. Donc ça, c'est pour tout ce qui est concert. On en trouve aussi dans le théâtre. C'est pas tout à fait le même métier, mais ils sont là aussi. Je dis que c'est pas tout à fait le même métier dans le sens où sonoriser du théâtre, c'est assez dur. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et je suis vraiment pas fort pour ça. C'est vraiment un truc spécifique puisqu'on parle avec des gens qui veulent pas de micro sur eux les trois quarts du temps parce qu'ils ont des changements de costume assez rapides. Donc il faut mettre des micros planqués dans les décors. Enfin, ça, c'est vraiment un travail assez beaucoup plus complexe à mon goût, quoi. Et puis après, il y a tout ce qui est son dans les événementiels. Voilà, ça, c'est quelque chose où, dès qu'on va dans un salon, un truc, il y a forcément un micro qui traîne sur un stand, où il y a forcément, moi, ça m'est arrivé beaucoup avec une société sur Orléans, enfin plusieurs d'ailleurs, de faire le son, c'est-à-dire d'installer des enceintes pour la diffusion d'un congrès ou pour la diffusion d'une fête de fin d'année, pour les salariés, pour un CE, pour, voilà. Donc ça, c'est pas forcément du concert, ça peut être aussi pour, voilà, animer, on met un fond sonore, donc nous on est garant de l'installation, on est garant du fait que le PDG de la boîte va venir faire un discours, il lui faut un micro, etc. Bon, y a aussi tout ce côté-là, quoi. Voilà. Et toi, tu aimes bien, il y a quelque chose en particulier que tu apprécies en fait ? Moi, j'ai toujours voulu faire que du spectacle, ouais. Donc j'ai fait un petit peu d'événementiel, j'en fais de moins en moins puisque j'ai de plus en plus de travail dans le spectacle, donc je me permets, on va dire, si je puis dire, si mes employeurs m'entendent, ils vont me détester, mais je me permets quand je peux, si j'ai le choix, oui, je vais plutôt aller faire du spectacle parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus, quoi. Du festival, du... voilà. De la musique, finalement, quoi. Quel statut vous avez, les techniciens ? Alors, c'est pas un statut, c'est une idée reçue, c'est un régime spécifique d'assurance chômage qui s'appelle l'intermittence du spectacle, en fait. Hein. Donc, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas du tout un régime qui... Alors, je vais pas dire qui nous arrange, mais on va dire qu'il est pas forcément plus sympa que le régime général. Moi, si j'avais le choix, d'ailleurs, je préférerais être au régime général. C'est un peu plus facile à avoir que le régime d'intermittent du spectacle. Mais en gros, voilà, ce régime nous demande en fait de faire un certain nombre d'heures à l'année pour pouvoir prétendre au chômage, ce qui est le cas dans un CDD, dans un CDI ou quelqu'un qui fait de l'intérim. C'est un peu finalement des contrats d'intérim qu'on fait, quoi. Voilà. Donc nous, on a 12 mois maintenant, là. Ça change en fonction des années. Cette fois, c'est 10, 10 et demi ou 12 mois. Là, en ce moment, c'est 12 mois pour faire 507 heures. Donc, ça paraît peu, 507 heures, parce qu'on fait souvent des contrats de 8 à 10 heures. Mais ça, c'est sur le papier, puisque quand on travaille une journée qui est comptée 8 ou 10 heures, on est là de 7 heures à 2 heures du matin, à peu près. Donc, on fait largement plus de 8 ou 10 heures dans une journée. Donc, finalement, c'est pas si facile que ça d'avoir autant d'heures, on va dire, puisque c'est à chaque fois des grosses plages horaires sur lesquelles on travaille, mais qui sont pas comptées autant. Voilà. Donc il faut se retrousser les manches. Et puis c'est quand même un peu plus facile pour nous d'avoir des heures, ça c'est sûr, que certains artistes. Voilà, parce qu'ils sont dans une autre annexe, une autre méthode de calcul. Ils ont le même nombre d'heures à faire que nous, mais c'est plus difficile pour eux, quoi. Voilà. Quel type de contrat t'as, du coup ? Bon, c'est des CDDU, qu'on appelle des contrats à durée déterminée d'usage. Voilà. Donc à chaque fois, tu as un CDDU, quoi, à chaque prestation. Oui, ouais, c'est ça. Il y a d'autres types de rémunération qui existent pour ce métier ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui, notamment, sont en CDI pour un prestataire. Donc, ils vont bosser uniquement pour ce prestataire-là et ils vont aller sur tous les événements, concerts, manifestations sportives, salons, tout ce qu'on veut pour ce prestataire. Donc c'est du CDI, voilà, classique. Hein. Et puis après, il y a aussi tous ceux qui préfèrent être en entreprise individuelle, donc qui facturent leurs prestations et qui, eux, du coup, sont pas du tout sous contrat. Voilà. Très bien. Puis il y a sûrement d'autres modes aussi que je ne connais pas. Il y en a qui sont micro-entreprises, peut-être. Oui, ouais, c'est ça, ouais, micro-entreprise, auto-entreprise. Et puis qui se font payer de cette façon-là. D'accord. À quel moment dans la carrière d'un artiste on fait appel à un technicien ? Ça dépend. Soit pour du conseil, du coup, moi ça m'était arrivé justement de suivre un groupe parce qu'ils ont eu besoin d'un conseil à un moment donné. Et donc on a fini par travailler ensemble puisque je leur ai donné le conseil, ça s'est bien passé, ils étaient contents. On peut aussi faire appel quand on a des besoins un peu plus spécifiques, quand l'artiste par exemple veut... avoir vraiment un son toujours identique, avoir quelqu'un qui connaît le concert ou le show par cœur et où ils ne veulent pas perdre de temps avec un nouveau technicien, un nouvel ingénieur, avec le risque qu'il soit en plus bourré, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc voilà, au moins, ça les rassure en fait, quand ils ont besoin d'être rassurés ou quand ils ont vraiment une demande assez spécifique de quelque chose de très cadré et qu'ils veulent que ce soit tout le temps les mêmes personnes. Comme un musicien aime bien bosser avec toujours les mêmes musiciens, voilà. Parce que les artistes, à un moment donné, peuvent monter un spectacle, décidé de passer le cap, justement, de prendre, comme on disait tout à l'heure, donc le technicien son et donc le technicien light de lumière. Aussi, ouais. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce qu'il faut prioriser, alors je ne sais pas si la question va être claire, est-ce qu'il faut prioriser le technicien son ou le technicien lumière dans les spectacles ? Ça dépend du budget. Non, bah, en fait, ça dépend de ce que voit l'artiste, quoi. C'est-à-dire si c'est, si c'est une troupe de théâtre, par exemple. Création artistique. Hein. C'est ça, ça dépend du type de spectacle. Encore une fois, ça c'est que mon avis, hein, mais je pense qu'un groupe qui fait un groupe de pop ou de rock qui a vraiment une identité sonore propre sur laquelle il veut travailler et sur laquelle il veut pas du tout transiger, il aura tout intérêt, s'il doit en prendre qu'un, à prendre un technicien son pour être le garant de ce qu'il va jouer, lui, enfin, que ce soit garanti, entre guillemets, que pour le public, il y ait toujours le même son, toujours les mêmes effets qui partent au bon moment. Que si c'est par exemple un artiste ou enfin une troupe d'artistes de théâtre ou bref quelque chose qui a besoin d'être plus mise en lumière que de mise en sonorisation, à ce moment-là, si pareil, ils devaient en choisir qu'un, ce serait peut-être plus judicieux pour eux de choisir un technicien lumière. Mais encore une fois, ça c'est mon ressenti d'aujourd'hui. Hein. Peut-être que je me trompe complètement. Là pour le coup, voilà, j'ai jamais eu ce genre de cas. Souvent, moi, ce que je vois, c'est plus souvent les techniciens sont, mais mon réseau est quand même plus artistique musique que artistique théâtre. Est-ce que tu as l'impression que le métier évolue ? Ah bah, tout le temps, oui. Moi, le jour où ça évolue plus, j'arrête. Clairement. Non, on apprend tous les jours. Et en plus, il y a une... je disais tout à l'heure, il y a entre 5 à 10 ans, très certainement plus maintenant, un gros virage du son de l'audio numérique et qui nous apporte son lot de bonnes choses comme son lot de mauvaises choses aussi. Donc voilà, on fait sans arrêt des essais. On essaye des consoles, du matériel numérique d'une marque ou d'une autre marque pour voir ce qui marche le mieux, ce qu'on préfère, parce que des fois ça sonne mieux mais c'est moins facile à utiliser, ou à l'inverse, des fois c'est beaucoup plus facile à utiliser mais le son est pas terrible. Tu nous parles d'un technicien du son dans le cadre en studio, non ? Alors non, pas forcément justement, non, même en live, hein, en concert, on a beaucoup de matériel numérique, hein, énormément, donc il y a tout un côté informatique en fait qui est apparu dans ce milieu et qui se développe d'année en année avec des tas de trucs nouveaux qui sortent, des tas de produits, des tas de protocoles réseau, du machin, des prises USB de partout, qui est très pratique mais qui a une autre approche finalement que ce dont pouvaient avoir besoin les anciens, c'est-à-dire au niveau du réglage, je sais pas, de certains aspects techniques sur la console de mixage, c'est pas du tout les mêmes façons d'utilisation, quoi. Même s'il y a des boutons, c'est au même endroit, ça fait les mêmes choses, mais c'est pas du tout les mêmes échelles de réglage, par exemple. Donc il y a des tas de trucs à faire attention quand on bosse en numérique ou quand on bosse en analogique. Ça évolue tout le temps puisqu'on est sans arrêt, enfin les fabricants sont sans arrêt en train de rajouter des fonctionnalités, et puis bah, ça évolue en même temps que l'informatique, donc évidemment, voilà, comme il y a des microprocesseurs partout maintenant, tout évolue très vite. On va se faire une deuxième pause musicale. Alors, je te laisse choisir entre... tu m'as dit que tu ne connaissais pas tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Hein, je vais te laisser... tu vois ce qu'il y a en vert sur la droite. Non, tu peux mettre sur la gauche aussi. Ah, heure, on l'a déjà passé. Il y a Eddie de Préto, Balthazar, Poupie, La Femme, Jamiroquai, The Temptations. Jamiroquai. Allez, on y va. Allez, à tout de suite. Après Jamiroquai, Cosmic Girl. Saturday in 1999, right across from Mom's. Vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice. Je reçois un technicien du son originaire d'Orléans. Moi, je ne dis plus ingénieur. C'est hein, ça. Tu vois, t'as vu, là, je me reprends, Julien, donc, qui s'appelle, donc, qui se nomme Julien Desjardins et donc qui intervient aujourd'hui dans la spéciale. Donc, tu étais en train de nous parler, en fait, du métier de technicien du son et je voulais aborder justement les techniciens qui travaillent dans les studios. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, c'est un métier à part, en fait, finalement ? Alors, certains diront oui. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que oui, mais finalement, non, parce que ça reste une manière de capter le son d'un instrument, différente du live, certes, mais ça reste une façon de capter un instrument. Donc là, je vais me faire des ennemis à dire que pour moi, c'est quasiment le même boulot, mais bon, tant pis pour eux. Ceci dit, hein, ce que je te disais, hein, il y a 3-4 ans, je n'avais pas ce discours-là. Hein, il y a 3-4 ans, pour moi, c'était deux métiers spécifiques. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le studio, on trouve, alors pour le coup, peut-être plus des ingénieurs, puisqu'il y a le côté maintenance aussi du matériel. Il faut mettre les mains dedans, il faut faire de l'électronique, etc. Donc là, effectivement, on peut avoir des techniciens en électronique, mais initialement, l'ingénieur du son, c'était celui qui était capable de créer, de réparer, de faire... faire de la maintenance, en fait, faire de la conception, des modifications sur le matériel existant. Aujourd'hui, dans les studios, effectivement, en plus, bon, le matériel, on peut pour une centaine d'euros ou 200 euros s'équiper avec un micro, une carte son. On a presque tous un ordinateur à la maison, donc c'est très facile de s'enregistrer. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est ingé son, quoi. Il y en a beaucoup qui achètent un peu de matos, qui se prétendent ingé son et qui vendent des prestations au rabais et financières et qualitatives, du coup, parce que on n'a jamais vu en Formule 1 Michael Schumacher faire une course avec une deux chevaux, quoi. À un moment donné, il y a des outils qui sont faits dans certaines, pour une certaine utilisation et pas d'autres, ce qui est le cas en fait dans le milieu du studio. Dans le milieu du live, on a moins ce souci-là parce qu'on fait quand même souvent appel à des professionnels. Alors, c'est pas péjoratif pour les autres, hein, quand je dis professionnel, mais on fait appel à des prestataires ou à des gens qui savent un petit peu plus, on va dire, qui en savent un peu plus sur le métier. Qu'en studio, moi je connais beaucoup de groupes qui n'ont pas beaucoup de budget et qui du coup naturellement se rabattent vers un ingé son, entre guillemets, qui s'est acheté une carte son l'année d'avant et puis qui s'est tout juste enregistré un truc. Bon, je suis passé par là, hein, je ne crache pas du tout dessus. Mais voilà, en tout cas, dans l'univers du studio d'enregistrement, il y a les studios audio pro, ce que j'appelle audio pro, qui ont un super équipement qui coûte très cher et où le son sera d'une certaine qualité. Il y a les home studios, donc ce sont ceux qui sont chez eux comme moi, avec une certaine qualité de matériel ou pas, hein, pas forcément au rendez-vous, mais qui travaillent de chez eux, qui n'ont pas un vrai studio avec une vraie acoustique, avec du matériel à 150 000 euros et une hypothèque sur la baraque. Et puis il y a ceux qui utilisent une carte son pas très chère chez eux pour faire des maquettes ou qui des fois du coup veulent aussi produire leurs disques avec leurs propres moyens. Donc on retrouve un petit peu tout le monde. Et après, dans ceux qui sont professionnels, c'est-à-dire qui en vivent, alors là c'est un petit peu moins du coup. Mais voilà, il y en a qui sont là, qui sont pas forcément intermittents, qui sont des fois en CDD, en CDI, dans des studios et qui sont là pour que le groupe en fait puisse avoir un certain son reproduit sur un support, un CD, un vinyle, une clé USB, ce qu'on veut. Et pour moi aujourd'hui, ça reste quand même un métier où on capte le son, on met en avant certains éléments du groupe, en avant le chanteur, on va retirer les graves sur des instruments qui n'en ont pas besoin, on va en rajouter là où il y en a besoin, on fait le travail, ce qu'on appelle de mixage, à savoir embellir les choses, retirer ce qui sert à rien et mettre en avant ce qui est joli. Voilà. Que ce soit en live ou en studio, on n'a pas tout à fait le même matériel ni la même façon de travailler, mais la base est la même, on capte un son, on capte un groupe, un artiste et on le met en avant par l'intermédiaire d'une table de mixage et des enceintes pour du live ou par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'une autre table de mixage mais d'un autre type qui n'a rien à voir, mais on le met, on va dire, en avant aussi en studio. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu sais combien il y a de techniciens dans le département ? Alors ça, je ne saurais pas te dire exactement. On s'était posé la question avec une société il n'y a pas très longtemps. Déjà sur Orléans, on n'est pas sûr. Puisqu'entre ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui sont en CDI, ceux qui sont en permanence, je ne sais pas, au théâtre Gérard Philippe par exemple, il y en a beaucoup qui travaillent presque que pour les théâtres. Donc, je dirais entre 20 et 30, mais je suis vraiment pas sûr du tout, quoi. D'accord. Est-ce que tu sais s'il y a une passerelle entre pour d'autres métiers? Est-ce qu'on peut passer technicien de lumière, Alors, par exemple? On ne ouais, sait pas. Enfin, là, je alors, pose la question. Ou autre en fait, technicien? en général, il y a une reconversion, entre guillemets, une évolution, voilà, qui est possible quand on est technicien son, c'est d'être régisseur, en fait, au bout d'un moment, voilà, c'est la suite logique, on connaît l'installation, on connaît les salles, donc peut-être à un moment donné, une salle a besoin d'avoir un régisseur en fixe, donc en CDI, qui connaissent et le son, et un peu de lumière, et un peu de vidéo, et donc voilà, du coup, ça, c'est de l'expérience qui s'acquiert avec le temps. Et puis aussi à un moment donné, les mecs en ont marre d'être tout le temps sur les routes, tout le temps malmenés. Donc ils aiment bien aussi pouvoir se poser à un moment donné. Donc j'en connais quelques-uns, voilà, qui ont fini, enfin qui continuent, on va dire, aujourd'hui en fixe dans des salles et qui s'occupent de toute la partie technique de la salle. Voilà. Après, on peut toujours changer et puis passer du son à la lumière, passer du son à la vidéo, ou même pour un copain là, celui qui m'avait pris un peu sous son aile il y a quelques années à Tous en scène, passer du son à la pâtisserie. Voilà, tout est possible. Mais on va dire la suite la plus logique, que en tout cas celle que je vois le plus souvent, c'est passer de technicien à régisseur dans une salle ou régisseur pour une société, une boîte de production ou voilà. Ou de passer en CDI chez un prestataire. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un technicien du son? En fait, il y a un peu deux mondes dans le technicien du son. Il y a celui qui est artiste avant, ou au moins instrumentiste, donc qui va savoir un peu comment faire sonner un morceau, qui a un avis un petit peu de directeur musical aussi à certains moments. Mais c'est pas nécessairement celui qui fera le meilleur son, et à l'inverse, celui qui n'est pas du tout artiste peut faire un super son, mais qui soit assez plat finalement, sans relief, sans ce petit côté musical, tu vois. Donc je pense que on m'a toujours dit un bon musicien peut faire un bon ingé son, un bon technicien du moins. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai, voilà. Donc du coup, je pense que l'aspect musical pour quelqu'un qui suit un groupe, c'est assez important. Maintenant, pour quelqu'un qui est garant du matériel et qui fait ce qu'on appelle de l'accueil, comme j'en fais beaucoup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une fibre artistique très développée, hein, même pas du tout. En tout cas, moi, ça fait partie des choses qui font que je sens, et les musiciens me le disent, quand je bosse avec eux ou quand c'est quelqu'un qui n'est pas musicien, il y a une différence, clairement. Et c'est pas la technique qui fait ça, donc il y a ça, il faut être patient aussi. Un petit peu compliqué des fois, avec la chanteuse qui demande mais je m'entends pas assez, et puis on fait semblant de toucher un bouton et elle est contente, elle s'entend tout de suite beaucoup mieux, c'est presque trop. Bon aspect psychologique. Donc ouais, en fait, c'est ce métier-là, je pense, c'est à peu près 70% de social et 40% de technique. À peu près. C'est beaucoup de métiers dans le domaine artistique, ça. Oui, ouais, Ça a c'est l'air. ça, c'est ça. Non, puis après, faut pouvoir aussi s'adapter, hein, en permanence. Voilà, on n'a pas forcément tout le temps ce qu'on a demandé, donc il faut réussir aussi à s'adapter et à faire avec ce qu'on nous donne. Et puis, il y a des fois, on est dans des super conditions parce qu'il y a du budget, puis des fois, on l'est pas du tout. Donc, il faut pas forcément être déçu ou se dire ah bah non, mais moi là, c'est pas la console à 4 000 € par jour que j'ai demandé. Donc, je peux pas travailler comme ça. Non, il y a des fois, il faut, c'est pas, il y a des fois, il faut vraiment s'adapter, quoi. Voilà. C'est pas nous qui venons avec un spectacle, hein, on est au service d'une musique en fait à un moment donné, enfin en tout cas pour la partie concert. Donc il faut aussi réussir à faire avec ce qu'on a quoi. Tout le monde n'a pas forcément des gros budgets et même en studio c'est pareil, voilà. Réussir à s'adapter. Donc être patient, social, puis savoir s'adapter. Ouais, c'était bien, tu as répondu. La question suivante, c'était quelles sont vos difficultés? Donc ça y est, c'est ma question, elle est répondue. Ah bah d'un point de vue professionnel, ouais, souvent c'est ça, c'est qu'il y a toujours cette frontière entre l'artiste et le technicien qui n'utilisent pas les mêmes mots déjà, donc il faut réussir à traduire un peu ce qu'il nous dit quand un jour une chanteuse, mais ça, tout le monde l'utilise, cette petite anecdote, mais elle est vraie, hein, je pense que tout le monde l'a vécu, la chanteuse qui dit je sais pas trop comment dire, c'est pas génial le son, voilà. On se débrouille avec ça, donc nous on parle en fréquence, on parle en volume, en décibels, en chiffres, tout ça nous parle. Par contre, le c'est pas génial, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ou aussi le chanteur qui est un peu perché, des artistes des fois qui sont dans leur sphère et qui te disent Alors là, ma guitare, j'aimerais bien un peu plus bleu, tu vois. Ouais, ok. Moi, je dis ça, un cuistot bleu, il va savoir. Un peintre, il va savoir. Un technicien son, bleu. On bosse avec nos oreilles, on bosse pas du tout avec. Donc, ouais, on sait pas. Donc, des fois, on fait semblant de faire des choses parce qu'on cerne un peu le personnage. Et puis, on essaye. On fait semblant. Et là, il dit, ouais, comme ça, c'est super, change rien. Donc, c'est encore une fois, cette histoire de 60% de social. 70% de social. Ou non, après, c'est ça en fait, faut vraiment s'adapter et puis réussir à anticiper en fait. Donc c'est là où la fibre artistique est intéressante, c'est que lui nous dit ce qu'il veut, on fait ce qu'il demande, on sait que c'est pas forcément bien, mais on pense que lui c'est ce qu'il veut, donc on fait en fonction de lui. Et puis s'il trouve que c'est pas bien, on va faire ce que nous on voulait faire au début, et souvent ça marche. Et comment tu te vois dans 5 ans? Bah écoute, je sais pas, déjà faudrait qu'on puisse se voir demain. Parce qu'on n'a pas une période très facile en ce moment. Donc, mettons que 2020 n'ait pas existé, moi dans 5 ans, je me vois bien encore sur les routes à suivre des groupes ou à accueillir des tournées en local aussi sur Tours ou sur Orléans. Parce que moi je travaille quand même beaucoup sur Tours et puis maintenant sur Paris aussi. Et voilà, faire des accueils de tournées, c'est sympa parce qu'on voit beaucoup de spectacles différents, on rencontre des tas de gens adorables, ou pas d'ailleurs, ils sont pas tous adorables, mais globalement si. Et puis faire aussi de la tournée avec des groupes, j'aime bien ce côté où on prépare un show et on le peaufine, on l'embellit, on va le jouer, et en fonction de comment ça réagit en face, les artistes et les techniciens discutent et se disent, ah bah tel endroit ça a pas bien marché, on a vu ce soir machin. Moi j'aime bien en fait d'avoir été musicien, les musiciens me parlent un peu d'égal à égal. Et en fait, on peut se permettre, quand on est musicien, du coup, il laisse un peu plus la porte ouverte au dialogue, en fait, tout simplement. Il y en a beaucoup qui veulent pas, qui savent exactement ce qu'ils veulent, puis quand on leur explique, et puis qu'en plus on leur règle leurs amplis sur place, là, c'est un autre discours qui se met en place, c'est une barrière qui tombe, et on peut vraiment aller dans le détail, dans le détail artistique de la recherche du son, etc., quoi. Voilà. Donc moi, je me vois bien là, ouais, dans 5 ans, de continuer ça. Je fais ça. J'ai une dernière question, après on va se quitter. Ok. À moins que tu aies aussi autre chose à rajouter. Oh, il y en a tellement à rajouter. On aura l'occasion de se recroiser et pourquoi pas t'inviter à nouveau Avec plaisir. Pour discuter d'une thématique. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent choisir ce métier? En 2020, ce serait de fuir. Il faut pas. J'ai l'exemple de mon petit frère qui vient de passer un master en informatique, qui est venu me voir au mois de juin, qui m'a dit, bon, bah, c'est bon, j'ai tout fini, maintenant, je vais faire du spectacle avec toi. On a tous rigolé, parce qu'on a déjà pas de boulot, nous, ça, en ce moment. Donc là, aujourd'hui, ce serait de fuir, hein, vraiment. Bon, hormis le problème sanitaire aujourd'hui et le fait qu'on puisse pas travailler. C'est quand même un super métier, donc le conseil c'est d'aller au contact en fait, parce que c'est vraiment un métier qui s'apprend sur le tas, c'est un métier de passion aussi énormément. Il faut s'intéresser à tout. Moi je fais beaucoup d'électronique pour aller vraiment au cœur du matériel et voir ce qui s'y passe. Et c'est assez intéressant en fait, parce que ça fait toujours une corde en plus et on comprend mieux ce qui se passe et pourquoi des fois le micro n'a pas bien marché en concert ou en studio. Donc c'est vraiment un métier de passion. Faut être passionné, faut être musicien mais sans obligation, mais il faut vraiment s'intéresser à tout ça et s'intéresser à la musique pour ceux qui veulent devenir techniciens dans le spectacle. Voilà. Après il y en a qui préfèrent faire de l'événementiel. C'est très bien, c'est aussi un métier où il faut un aspect technique assez solide aussi. Parce qu'en plus, on a des contraintes de temps qui sont encore plus compliquées que dans le spectacle. Et puis, en plus, il y a des contraintes de travail propre. Hein, dans un plateau de télé ou dans un événementiel, on n'aime pas voir les câbles. C'est une autre méthode de travail. Donc voilà, il faut aimer les ordres aussi, voilà. Dans ce genre de métier où on n'a pas forcément toujours son mot à dire. Donc, il faut aussi savoir se mettre au service de quelqu'un et savoir se mettre au service du groupe ou de l'artiste ou de l'ingénieur du son du studio qui est là aussi. Voilà, il faut réussir à mélanger, faire une moyenne de tout ça et surtout d'être passionné, quoi. Voilà. On peut démarrer de zéro sans faire d'école et s'en sortir très bien aussi. Si demain un artiste a besoin de tes services, aujourd'hui il fait comment? Mais il m'appelle. Donc t'es sur des réseaux sociaux, comment on peut te joindre, comment on peut te trouver? Oui, bah sur Facebook, du coup, ça marche beaucoup avec Facebook. Après, je suis pas très fort en communication, hein, d'une manière générale, j'ai pas de site web pour moi, voilà, j'en suis pas là. Souvent, c'est de bouche à oreille quand même qui marche le mieux. Après, moi, mon studio est un studio associatif, en fait, hein, qui a pour but d'aider aussi les groupes qui n'ont pas énormément de budget, et donc s'appelle Marmelade Production. Donc, on peut aller aussi sur le site marmeladeproduction.com, voilà, où on fait le dernier album que j'ai dû faire, le dernier gros album, c'était le dernier live pour François Fellman, voilà, pour qui je suis l'ingénieur du son, on va dire, technicien son, préférence. Mais voilà, on a fait quelques dates ensemble, et puis tu vois, ça s'est passé par réseau, hein, c'est parce que ces musiciens, j'ai travaillé avec eux ailleurs, et puis encore une fois, tiens, t'es dispo, on fait ça, hein, avec un prestataire aussi que je connais. Et tout ça, c'est que du réseau finalement. J'étais peut-être pas forcément le meilleur, mais j'étais le plus sympa, bon, a priori. Donc ouais, c'est aussi un truc important, c'est ça, c'est d'être sympa dans ce métier-là. Bon, le jeune qui veut débuter et qui a un caractère bien trempé, moi j'en ai un aussi, mais voilà, il faut pas tout de suite aller dans la confrontation, il faut vraiment réussir à s'adapter et puis être sympa. On dit toujours dans le métier, on préfère avoir quelqu'un de pas très bon mais sympa, si on a le choix, plutôt que quelqu'un de très bon mais qui soit un sale con, quoi. Je pense un peu dans tous les métiers pareil. Ouais, c'est un peu partout pareil. Bah écoute, on en a appris un petit peu plus quand même sur le métier. Bah tant mieux, si j'ai pu éclairer. Oui, je pense que tu as éclairé pas mal de monde. Et puis c'est important aussi de valoriser vos métiers. Oui. qu'on voit pas toujours, puisque non. Nous, quand on est dans une salle de concert, par exemple, ou quand on écoute un disque, on se rend pas compte en fait de qui a travaillé sur place. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre à l'honneur en fait des métiers qui se trouvent dans les coulisses. Donc je suis très contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Bah écoute, plaisir partagé. Voilà, pour valoriser votre métier de technicien du son, et puis plein d'autres métiers bien sûr. Je suis ouverte, hein, pour tous ceux qui veulent venir expliquer, je sais pas, ça peut être Rode, technicien lumière ou d'autres, tous ceux qui peuvent qui sont de l'entourage des artistes. Donc ils sont toujours la bienvenue dans les coulisses de Bérénice. En tout cas, moi je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation, Julien Desjardins. Donc, merci à toi. J'ai bien noté que tu es formateur et tu as une masterclass qui est organisée à Tous en scène à Tours les jeudis. Non, c'est un jeudi ou deux dans l'année, hein. C'est pas tous les jeudis, il y a plusieurs modules. C'est au mois de décembre. C'est le, en théorie le jeudi 3 décembre. Ouais. Jeudi 3 décembre, donc à Tous en scène, on peut réserver. Tours, ouais. C'est pas réservé exclusivement aux écoles, en fait à l'école Tous en scène, donc c'est non, aussi c'est à ça. L'extérieur, donc s'ils veulent aussi s'inscrire. Et puis tu m'as parlé de ton studio associatif qui est marmeladeproduction.com. Oui. Donc pour aider les artistes qui n'ont pas toujours les moyens, c'est ça que tu me disais? Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que les... Alors c'est pas forcément pour faire de la concurrence, hein. On va pas aller prendre des groupes très connus ou du moins des groupes qui ont d'habitude des gros budgets et de bosser à moins cher, on n'est pas là pour pénaliser qui non, que ce par soit. Par exemple, les artistes qui sont en autoproduction et mais qui ont voilà, besoin d'un ouais, petit coup de pouce. C'est ça, c'est ça. Bon, on a des tarifs un peu moins chers pour justement des artistes qui n'ont pas forcément des budgets énormes. Voilà. Bon, bah écoute, voilà. Moi en tout cas, je me permettrais de mettre. Tu as bien voulu quand même prendre du temps pour venir ici à l'émission. Donc je pense que la moindre des choses, c'est aussi de te rendre à l'appareil et puis de noter cette, si tu me le permets d'ailleurs. Noter, oh bah oui, je t'en prie. C'est, ouais, de noter ça sur dans les coulisses marmeladeproduction.com pour ceux que ça intéresse. Je te remercie encore une fois et puis je vais te souhaiter un bon retour. Merci. Je te dis à très vite. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Voilà, bonne soirée. J'ai été ravie de te rencontrer. De même. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Oui, hein. Aussi. Restez avec nous puisqu'il y a une suite dans l'émission, puis avec Julien, mais avec Isabelle Sabatier que j'ai rencontrée au Jazz Time le 4 octobre, qui est une artiste orléanaise et qui nous parle de sa carrière. Donc restez encore quelques minutes avec nous. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. Bonjour, vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion. J'enregistre aujourd'hui sur le terrain en interview au Novotel à Orléans, la source pour le Jazz Time, avec Isabelle Sabatier. Bienvenue dans les coulisses, Isabelle. Bonjour, merci. Comment s'est passé ce concert ? Très bien, on a eu du monde présent, on a bien échangé avec le public. On a fait un concert en quatre temps, en quatre sets. C'était un peu le thème de ce concert, 4 à 4. On était 4 et on a fait 4 sets. C'était super sympa, super ambiance. Ça le comble. Oui, alors c'est vrai qu'on a de la chance sur ce brunch musical, ça a bien décollé sur cette date-là, cette proposition-là. Donc on espère que ça dure comme ça sur les autres concerts. C'était un très très bon moment, il y a une interaction avec le public, donc on va reparler de toi Isabelle, puisque ce concert était complet, avec une interaction, donc très très bon concert. Alors moi j'ai une question, tu es chanteuse-interprète, et ma première question est, peux-tu m'expliquer ce qu'est une artiste dans l'événementiel ? Oui, alors c'est l'événementiel, c'est proposer des moments autour de la culture, ici autour de la musique principalement, avec des formats différents, des formats qui vont s'adapter à la demande de la personne qui vient nous recevoir. Donc l'événementiel, en fait, ça peut être à la fois des concerts comme on a là en hôtel, comme chez un privé, sur un mariage, un festival. Il y a vraiment pas de règles, ça peut être un concert et on fait partie du décor et à la fois on essaye d'interagir avec le public. Voilà. Très bien. Quel est ton parcours, Isabelle ? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer des super musiciens de jazz dans un premier temps. Vers 2007, par là, avec Laurent Desmures. C'était une super expérience jazz. Bon, c'était mes débuts. Moi, je commençais à travailler ma voix de façon assez fine. Et puis, de concert en concert, de rencontre humaine en rencontre, j'ai évolué. Les projets ont évolué également. Et puis, j'ai rencontré d'autres artistes qui m'ont permis de m'ouvrir à d'autres types de musique, à d'autres répertoires. Et je me suis réalisée, en fait, à travers des partages humains et autour de la musique. Voilà, donc de Laurent Desmures, je suis passée à Jean-Christophe Briand. Voilà, et ça se fait comme ça, en fait. C'est naturel, je pense qu'il faut laisser faire ces changements-là. Moi, je me laisse porter aussi par mes envies musicales. Et l'idée, c'était de continuer à faire de l'interprétation, même si j'ai toujours cette envie de composer. j'ai du coup laissé mes envies partir vers autre chose que le jazz et des envies profondes comme le rock blues, avec Sébastien Janjoux, par exemple, à la guitare. Ce sont des musiciens qui vont tourner, c'est pas tout le temps les mêmes musiciens, mais voilà, je reviens quand ils sont disponibles, souvent vers les mêmes quand même. Et puis là aujourd'hui, j'ai fait aussi de la soul. Voilà, ce sont des chansons que j'ai toujours écoutées en fait. Très soul, voilà. Et puis je trouve que le jazz, c'est un vrai travail technique, à la fois musical et vocal. Donc je m'épanouis dans des répertoires très variés. La formation, tu as une formation de base ? Non, j'ai pas fait le conservatoire, j'ai pas étudié le solfège comme des collègues. J'ai été plutôt autodidacte, mais plutôt bosseuse. Avec l'apprentissage du piano, des basiques au piano, j'ai pu travailler ma voix, mais également le rythme, qui sont pour moi deux grandes bases. J'apprends en fait toujours, et je pense que jusqu'à mon dernier souffle, j'apprendrai. Et voilà, je pense qu'il ne faut rien lâcher en musique, chaque heure compte. Quel est ton objectif aujourd'hui ? C'est de continuer à me réaliser. Quand je vois le plaisir de partager comme ça sur scène, que ça peut me procurer, mais aussi que ça procure au public, en fait, parce qu'on sent qu'il y a une vraie énergie qui circule. C'est de continuer le plus longtemps possible, en fait, et pouvoir ne pas me priver. Voilà, je veux me mettre aucune barrière. Alors, je t'écoute, hein, c'est passionnant parce que tu as une superbe voix, magnifique, sur scène. Merci. Et est-ce que tu joues d'un autre, un autre instrument ? Alors, tu m'as dit piano tout à l'heure, mais sur scène, on te retrouve exclusivement en tant que chanteuse, tout le temps ? Oui, c'est vrai que pour l'instant, je laisse la lumière aux autres instrumentistes. Parce que c'est voilà, j'ai pas de deuxième instrument. Il m'est déjà arrivé effectivement de faire un morceau une fois jamais avec le piano. J'aime beaucoup travailler le rythme. Donc si toutefois je devais tendre vers des percussions, elles pourraient être vocales. Et après, bon, bah, je vais m'amuser un petit peu. Par exemple, j'ai joué dernièrement en version reggae. On s'est amusé avec les djembés. Voilà. Donc Si je dois partir vers des sous-spécialités, ce serait plutôt le rythme, ouais. Il y a encore plein de développement personnel en plus. Il n'y a pas de limite dans la chanson et dans la musique. Toi, les artistes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore, hein, bien sûr, si tu en as quelques-uns à me donner, ouais. sans te donner une liste. Mais quelques-uns, les principaux à tous, pour toi. C'est vrai que c'est difficile quand on vous pose la question. D'un coup, on n'a plus d'idées, on oublie les noms. Mais c'est vrai que j'ai mon regard d'enfant qui a les yeux qui brillent à l'écoute de grandes voix comme Whitney Houston, par exemple. Donc là, on s'éloigne un petit peu, mais j'y reviens toujours. Des Aretha Franklin. Après sur des artistes contemporains, j'aime bien partir sur des Eric Abadou par exemple. Alors les noms, c'est vrai que Didi Bridgewater, ceux du jazz, voilà, c'est sans surprise. Etta James, bon, évidemment, je l'ai interprété ce soir pas mal, hein, dans les Souls, les Ray Charles, mais je vais m'écouter aussi des Christina Aguilera et des Céline Dion. Oui, j'assume. J'assume, en fait, voilà, je peux passer des heures aussi à écouter Bob Marley. Il n'y a pas de règle, en fait, c'est transversal. Sur scène, aujourd'hui, quel était ton répertoire ? Tu en as parlé déjà ? Oui, donc jazz et soul. Donc on était sur des morceaux Horace Silver, Duke Ellington, pour le jazz. Et puis la soul, bah, c'est vrai qu'on a fait Aretha Franklin, Etta James et Ray Charles. L'idée, en fait, ça va être... peut-être de retrouver des artistes, souvent les mêmes artistes, mais faire évoluer le répertoire. C'est-à-dire que quand vous venez me voir sur scène, vous n'allez pas forcément entendre la même chose que le mois dernier ou que la semaine passée. Mon idée aussi, c'est de me renouveler, voilà, de me faire plaisir. Oui, et justement, comment tu choisis tes covers, tes reprises ? Tu les choisis comment ? Et qu'est-ce qu'une bonne reprise pour toi ? Ça, c'est une vraie question. Alors, moi, je vais quand j'écoute un morceau comme ça, ou il y a un morceau qui passe à la radio, admettons, je me le note. J'ai un petit dossier dans mon téléphone portable où je me note idées, musique, idées, répertoire. Après, je partage ça aux instrumentistes un peu leaders des groupes. Les musiciens avec qui je travaille le plus souvent, on va échanger et on va se mettre d'accord. C'est-à-dire que je vais rarement imposer. Je me mets d'accord avec les musiciens. Et après, je pense qu'une bonne interprétation, clairement, de toute façon, d'un individu à l'autre, on va pas avoir la même interprétation. Donc, l'idéal, ça serait plutôt, si on peut exploser le morceau, faire une proposition, créer quelque chose autour de... du morceau d'origine, je pense que c'est sympa, ouais. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix dans l'événementiel exclusivement ? Est-ce que est-ce que c'est un choix qui s'est fait naturellement, ou alors tu t'es dit, dis-moi, parce que je vais pas parler à ta place. Oui. C'est vrai que, en fait, moi, j'aime bien prendre du recul sur ce qu'on fait de notre vie, comment on se réalise. Avec cette grande conscience, pour ne pas dire peur, que la vie est courte. Et en fait, voilà, tout ce que j'entreprends, j'essaie de le faire avec plaisir. Donc, j'ai un deuxième métier à côté, dans les métiers du sport, autour de la formation et de l'enseignement pour les éducateurs sportifs. J'ai un grand plaisir à travailler là-dedans. Mais je sens que voilà, j'ai envie de glisser de plus en plus, et de façon, pourquoi pas même définitive, vers la scène. Parce que c'est quelque chose qui me prend aux tripes, et je pense qu'il faut s'écouter. Ça tombe bien, il y a une bonne transition. Sur quelle scène tu joues? Toutes les scènes de France et de Navarre. En fait, l'idée, c'est de partir sur des scènes où les musiciens sont mis en lumière, déjà. Donc, je vois ici, on a une scène qui est matérialisée. Donc, c'est plutôt agréable, avec une petite estrade. Donc, ça peut être des hôtels, ça peut être des bars, ça peut être des festivals. Malheureusement, j'ai pas pu faire le festival jazz à l'évêché avec le Covid, mais voilà, ça va être tout ce qui accueille en fait la musique. Donc, ça peut être un concert où le public est assis et écoute, ou alors plus dans l'animation musicale où les gens peuvent boire un verre ou grignoter en même temps. C'est un format qui s'adapte à beaucoup, en fait, à Ouais. beaucoup de scènes, que ce soit plus en privé ou en club ou en plus grosse scène. Donc, en fait, il s'adapte à tous les formats de scène. Complètement. Hein, Ouais. d'accord. Justement, par rapport au format, donc je t'ai vu ce soir avec trois musiciens, excuse-moi, vous étiez quatre. Oui. Donc, tu peux nous parler de musiciens. Bon, tu m'as parlé de leader. Donc, c'est-à-dire que t'as des bases. Enfin, Ouais. t'as toujours les mêmes qui viennent, et ça Ouais. tourne après. Oui, c'est vrai. Donc là, aujourd'hui, il y avait au saxophone Michel Sadorge, à la batterie Johan Cortès et au clavier Jean-Christophe Briand. Et c'est vrai que si j'ai un choix de répertoire, je vais m'adresser là dans cette formation-là au clavier. Je vais m'adresser à Jean-Christophe Briand. Et derrière, il n'est pas impossible que la prochaine fois, dans cette formule en quartette, ce soit pas forcément un sax, que ce soit pas forcément une batterie. Voilà, ça peut tourner, c'est pas figé. Donc tu peux avoir des scènes à deux, Ouais. à trois ou à quatre. Ouais. Jusqu'où tu as été déjà? Vous étiez combien? Maximum. J'ai dû faire 5 quintettes. En jazz, c'est toujours plus sympa. Après, c'est vrai que les duos, ça passe très très bien. Idéalement, trio. Bon, il faut trouver un juste milieu. Après, avec les budgets, c'est pas toujours facile, mais trio, c'est bien. Donc les musiciens avec lesquels qui t'accompagnent sont des musiciens professionnels qui font ça de leur vie, c'est leur métier? Oui, c'est leur métier, tout à fait. Mais on essaye de faire tourner un petit peu les artistes aussi, parce qu'en ce moment c'est difficile, et que parce que c'est notre métier, il faut se serrer les coudes et voilà, pas au contraire collaborer, que ce soit en tant que programmateur ou en tant qu'artiste. Je pense qu'il faut penser qu'on est dans le même bateau. Voilà, donc on pense dans ce sens-là. Tu joues sur quel territoire aujourd'hui? Géographiquement parlant, oui, je joue beaucoup hein, dans le cadre orléanais, blésois, tourangeau, mais il nous est pas impossible d'aller plus loin. Hein. Rencontres-tu des difficultés à jouer avec les mesures sanitaires qu'il y a? Avec toutes les annonces qui se font d'une semaine sur l'autre, comment c'est géré de votre côté? Comment vous anticipez si c'est possible? Alors, j'ai la chance de ne pas avoir rencontré beaucoup de difficultés, parce que je fais en sorte de m'assurer que les conditions sanitaires sont respectées, à savoir le port du masque obligatoire, ne serait-ce que dans les déplacements d'un point fixe à un autre point. Sur un restaurant, voilà, on sait que les tables sont espacées entre elles. Et puis l'idée justement, c'est de se dire voilà, on ne déconne pas, c'est-à-dire un peu vulgairement, on ne déborde pas. Si on sait qu'on a un groupe de 10, un groupe de 50 qui est à la porte, c'est bah tant pis, on va pas dépasser le chiffre obligatoire pour justement ne pas prendre le risque que ces événements s'annulent. On peut te retrouver où pour les prochaines dates ? Alors là, on est le 4 octobre. Je vais avoir le 27 novembre, ici même, avec Sébastien Janjou, sur un répertoire rock. Et le lendemain, je vais me retrouver au Club 15, donc le 28 novembre, sur un reggae time avec David Azak et Anita Farmine. Voilà, tout de suite maintenant, là, sur 2020, c'est ce que j'ai en tête, là. Donc, c'est pas dans très longtemps, donc moi j'aurais plaisir à te revoir en plus sur d'autres répertoires, hein, puisque là c'est quand même rock, on a dit en premier, là. Oui. Ensuite on va avoir Hommage à Bob Marley, et puis tu m'as dit rock, reggae. Oui. Voilà. Ok, voilà. Donc c'est bien, un autre répertoire, oui. Donc super intéressant. Donc je suis curieuse de voir la suite te concernant, Isabelle. Merci. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à passer ce Jazz Time en ta compagnie et cette interview. Sur quels réseaux sociaux peut-on te retrouver ? Oui, alors moi, c'est Isabelle Sabatier, événementielle. Donc si on tape ça sur Google, on va avoir deux grandes propositions. On va avoir mon site, isabellesabatierévénementielle.com, ou alors on va avoir la page Facebook également, Isabelle Sabatier événementielle. Et ben, c'est pas mal déjà. Instagram aussi. Bon, il y a un peu tout, hein. Oui, donc on tapera Isabelle Sabatier oui. événementielle oui. et on te retrouve. Et puis, te retrouver sur scène, surtout. Et puis je vais te souhaiter en tout cas un bon retour. Ouais. Merci encore pour ce beau moment, un public chaleureux qui te suit, la salle était comble. À très vite, ouais. hein, Isabelle. Et merci encore d'avoir bien voulu jouer le jeu avec moi ouais. hein, sur cette interview à Radio Web Passion dans les coulisses de Bérénice. Ouais. Je te dis au revoir. Merci beaucoup Bérénice, à bientôt. Au revoir.